Courage, petite sœur, fais un vœu chaque fois que tu pleures. Redresse-toi au lieu d'avoir peur, quelqu'un t'attend là-bas. Souris, petite sœur.